Chez ben nous pour chita, l'ouvrir oreilles nous pour tenter. Viens nous faire nous passer, dans son verre nous bonnet. Reviens près nous traîner nous, même sans vie nous mépriser nous. Sans nous méprisons-nous.